تستمعون إلى إذاعة التغيير. ألو ألو، السلام عليكم يا أهل سلام، مرحبا بكم. C'est l'émission du direct de mercredi soir qui commence. Donc, comme tous les mercredis soirs, sur les ondes de Radio Changement, la radio du CCD, on organise une émission en direct avec les auditeurs, parfois avec des invités, des spécialistes, pour aborder un sujet. Et comme tous les mercredis soirs, ce soir, donc, nous avons en fait des invités pour parler à propos du gaz de schiste. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, à tous nos auditeurs. Et donc, comme je disais tout à l'heure, nous allons aborder ce soir le problème du gaz de schiste, l'exploitation du gaz de schiste par l'Algérie, en Algérie. Et pour cela, nous vous invitons tous les auditeurs à participer avec nous via Skype, en fait. Donc, on va parler du gaz de schiste et je vous invite à participer avec nous, à appeler sur CCD Live, sur Skype, pour poser vos questions ou nous faire vos remarques. Je voulais juste préciser que ce soir, nous avons en principe trois invités qui ont bien voulu accepter de participer avec nous, des gens qui sont dans le domaine de la problématique du gaz de schiste. Donc, nous avons en principe, et je vais essayer de les contacter dans une minute, nous avons en principe Dr Sadla Abdelkader, il est géophysicien ou docteur en géosciences, spécialiste donc de tout ce qui est exploration, pétrole, etc., gaz. C'est un Algérien, il est docteur, il est basé en Norvège et il travaille pour les grandes sociétés de recherche et d'exploitation du pétrole et du gaz dans le monde. Nous avons aussi en principe, si tout va bien, Inch'Allah, le professeur Aktouf, qui est économiste en fait, et il est enseignant à HEC Montréal. Lui aussi s'est intéressé et il a suivi de près la problématique du gaz de schiste, notamment l'expérience américaine, nord-américaine. Donc il a bien voulu participer avec nous pour nous donner son avis, son analyse. Voilà, je vais essayer de le contacter. Et nous avons aussi avec nous, je vais l'appeler dans quelques minutes, un journaliste, monsieur Mehdi Bsikri, et qui est donc journaliste. En même temps, il est militant anti-gaz de schiste depuis déjà quelques années. Il est militant écologiste, mais il est journaliste aussi. Donc, il a bien voulu accepter de participer avec nous. Et je voulais lui poser quelques questions à propos du mouvement de protestation ou de résistance populaire à l'exploitation du gaz de schiste qui a lieu maintenant et depuis 4 mois, bientôt 5 mois, du côté de Ain Salah dans le sud algérien. Et je voulais lui poser des questions sur où en est le mouvement, ou qu'est-ce qui se passe sur le terrain, où en sont les militants. Je souhaite aussi la bienvenue à nos participants qui sont déjà dans la salle de Skype. Marhaba bikoum, Khoya Halim, de Schleuf, marhaba bik maître Ahmin de Larouat en principe, du moins qui nous appelle d'Algérie, avocat, et à notre amie et contributrice Lilia Marsali qui nous a aussi rejoint. Marhaba bikoum khawti, je vous souhaite la bienvenue. Je vais essayer quand même d'appeler tout de suite monsieur Sadla si j'arrive à le joindre, et on commencera par lui. On reviendra ensuite aux questions et je passerai aussi à monsieur Aktouf, je vais essayer de l'appeler, et à Mehdi Bsikri aussi. J'essaye tout de suite d'appeler monsieur Sadla. Allô, salam alaikum. Salam. Donc monsieur Sadla, merci beaucoup d'être avec nous. Ah, c'est mon plaisir aussi. C'est gentil, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, et nous sommes en direct là, sur notre radio, et comme je vous le disais en préparant l'émission, on voulait parler ce soir avec les auditeurs, s'il y a des gens qui veulent nous poser des questions. On voulait aborder le sujet de l'exploitation du gaz de schiste dans notre pays, et comme vous le savez, et vous êtes d'abord spécialiste du sujet du pétrole, des gaz, et vous l'avez vu aussi que dans notre pays,

Parce que le problème, on dit, il faut faire une évaluation. Pour cela, il faut faire la facturation. Non, je ne suis pas d'accord. Une évaluation reste toujours une évaluation. C'est jamais une mesure précise. D'accord. Donc, ça peut se faire au laboratoire et il s'agirait de voir combien il y a de gaz qu'on peut libérer en fracturant la roche. Ça, on peut le faire au laboratoire. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Je voulais qu'on commence par là, qu'on commence par le commencement, c'est-à-dire, du moins, selon ce, à mon avis, c'est-à-dire quel problème pose l'exploitation du gaz de schiste. Sinon, Monsieur Sadla, si vous pouvez rester avec nous, je reviendrai à vous dans quelques minutes, mais je passe directement à Dr Aktouf. Dr Aktouf, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Merci beaucoup donc d'être là. Et je voulais vous poser une question juste après. Je vous laisse aborder le sujet, y compris, c'est-à-dire selon ce que vous considérez important. Mais moi, je voulais juste poser une question dans le sens où on a les autorités algériennes qui disent que c'est une aubaine. Ils disent même, dans une lettre qu'aurait écrite le président de la République, que et on devrait l'exploiter. Et ils disent que donc il y a un intérêt pour l'Algérie si on va dans le sens de l'exploitation du gaz de schiste. Comment vous voyez ça, notamment au vu des expériences qui ont été faites par ailleurs dans le monde concernant cette exploitation? Écoutez, tout d'abord je tiens à dire que je suis entièrement d'accord avec ce que je viens d'entendre à propos des risques de contamination de l'Albien et puis les conseils de recherche et développement de monsieur qui m'a précédé. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Ça va, oui? Ça passe très bien. Bon. Oui, oui, je vous entends, moi aussi, oui. Bon, très bien. Alors, moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est le gaz de schiste, là, en Algérie, c'est uniquement une façon de tenter de pérenniser la rente pétrolière, parce que c'est juste ça que vise notre pouvoir. C'est la rente pétrolière, le pétrole conventionnel et le gaz conventionnel qui commencent à tirer à leur fin. Donc, il faut pérenniser cette rente. Or, c'est une catastrophe sur plusieurs niveaux. Un, c'est un boost économique. Économiquement, ça ne marche pas. Je peux expliquer pourquoi. Deuxièmement, c'est un trou noir technologique. La technologie est extrêmement dangereuse et il y a beaucoup d'inconnus dans cette technologie-là, notamment ce qui concerne les produits chimiques qui sont intégrés. Et finalement, c'est une calamité écologique annoncée et prouvée. Ce n'est pas pour rien qu'en France, c'est interdit depuis 2011. Les fracturations sont interdites en France par la loi. L'Allemagne vient de l'interdire. Et dans les expériences ailleurs dans le monde que je connais, en Argentine, par exemple, en Pologne, au Venezuela, au Québec, ici, autour de moi, ça cause énormément de friction. Même ici, une ville, la région de Gaspésie, la capitale de la Gaspésie, au Québec, qui est attaqué en justice par une pétrolière qui voulait faire de la facturation parce que la ville a été la protection de son eau potable, donc l'interdiction de forer dans un certain périmètre. Et là, ça fait des manifestations et des protestations quasiment tous les jours. Donc non, que ce soit la Pologne, l'Argentine, etc., partout, c'est prouvé aux États-Unis. La Pennsylvanie est une catastrophe. Maintenant, le Dakota du Sud, je voulais vous poser cette question justement à propos des États-Unis. Après 10 ans d'expérience, ils ont dû creuser énormément depuis, j'imagine. Qu'est-ce que cela a donné en termes de pollution? En termes de pollution, déjà, en Pennsylvanie, la nappe phréatique est contaminée. Et il y a des émanations de méthane qui échappent aux puits, qui sont mal cimentées peut-être, ou en tout cas, ou alors par la fracturation induite autour des explosions qu'on fait dans les puits horizontaux. Et on a une très très grande dégradation de la santé publique. Les personnes, les gens souffrent de maladies de la peau, d'encéphalite, de maladies diverses dues au métal. Et on trouve du métal même dans l'eau. L'eau de robinet, quand on l'ouvre dans certaines maisons, en Pennsylvanie, c'est mélangé au gaz. Mmh. Et l'eau brunâtre, on peut même des fois y mettre le feu. Mmh. Donc en Arkansas, il y a eu des tremblements de terre par ce qu'on appelle la sismicité induite. Mmh. C'est-à-dire que les micro-explosions qui ont été faites avec tous ces trucs qui ont été creusés a provoqué des mouvements de roches qui font qu'il y a des tremblements de terre, des mouvements sismiques qui sont à la surface. Et donc non, c'est vraiment, disons l'expérience aux États-Unis, il faut comprendre aussi que ces puits sont rentables à peu près une année. Mmh. Et après une année, on bouge sa chemise, comme l'a dit le patron de Exxon devant le comité du Congrès. Et donc, ils sont obligés de doubler les puits quasiment tous les ans. Alors, si tous les opérateurs, alors il y a beaucoup d'opérateurs, des ingénieurs qui ont démarré leur propre compagnie, il y en a des centaines, s'ils doublent leurs puits tous les ans, c'est une calamité pour eux. L'eau qu'il faut, c'est gaz à 20 000 mètres cubes par puits, bon, la contamination, etc. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Et docteur Aktouf, s'il vous plaît, juste parce qu'on dit aussi que il y a l'exemple américain qui est donné par les autorités algériennes, les décideurs Tawana, ils disent blé, il y a le modèle américain qui a marché, c'est un modèle économiquement valable, celui qui consiste à aller vers l'exploitation du gaz de schiste. Ça a été repris par les dirigeants algériens. Est-ce que vous partagez cet avis à ce propos? Absolument pas. Écoutez, il suffit de faire quelques clics sur Internet, vous mettez les mots-clés gaz de schiste États-Unis et vous avez toute une série d'articles, y compris de spécialistes, d'experts de gaz de schiste et dans des revues très importantes comme la revue Nature ou comme des revues d'exploitation pétrolière spécialisées en pétrole et tout. Et vous avez absolument tous les aspects. Alors, il y a des analyses sur l'aspect économique. Déjà, l'aspect économique, c'est une catastrophe parce que c'est une énorme bulle financière qui est en train de se construire aux États-Unis et qui totalise déjà, d'après les premières estimations, quelque chose comme 6 000 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que la crise de la bulle de 2008. Et pourquoi il y a cette bulle financière? Eh bien, tout simplement parce que il y a énormément de petites compagnies qui ont été créées autour de ce espèce de boom d'huile et de gaz de schiste. Il faut savoir que c'est surtout les huiles de schiste qui sont exploitées aux États-Unis, hein, plus que le gaz. Mais il y a eu un boom et donc il y a eu beaucoup d'emprunts. Et les banques ont mis beaucoup, beaucoup d'argent dans des compagnies qui ont fait faillite énormément. Et donc, ça fait une bulle financière qui n'est pas remboursée. Ça, d'un côté. De l'autre côté, les gros joueurs comme Chesapeake, comme Exxon, comme Talisman, etc., etc., eh bien, ceux-là, ils ont vu leurs actions gonfler de façon artificielle en course parce qu'il y a eu l'effet d'annonce du boom de gaz de schiste et d'huile de schiste. Et donc, la valeur des actions, si vous voulez, la bulle, de la valeur des actions à la bourse a dépassé assez vite la rentabilité réelle des extractions. Et donc là, les gros joueurs comme Chesapeake, comme Talisman, comme Halliburton, comme Shell Dutch Company, ils ont été obligés de faire des résiliations d'actifs, c'est-à-dire de se débarrasser d'actifs pour rembourser les dettes, et d'aller demander mendier auprès du gouvernement américain des subventions par centaines de milliards de dollars et des crédits d'impôt, etc., etc. Donc déjà là, la bulle financière est un énorme problème. Alors quand on dit que c'est une réussite aux États-Unis, on se moque du monde. C'est que les États-Unis ont intérêt à faire croire que c'est une réussite parce que tout simplement ça les met à l'abri des importations, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, Canada et États-Unis, ce sont les seuls pays au monde où, quand vous êtes propriétaire d'un terrain, vous n'êtes propriétaire que de la surface, pas du sous-sol. Donc, même si vous êtes une ville, une municipalité, une commune, etc., alors, à plus forte raison en particulier, vous possédez une ferme, un terrain, un garage, pardon, un jardin, n'importe quoi. Et si une compagnie se procure une concession pour faire des forages dans votre jardin ou dans votre terrain municipal, ou même dans votre maison, si vous avez une maison, ils peuvent vous exproprier, donc ils vous payent, ils vous achètent votre maison, ou sinon ils peuvent aller devant les tribunaux pour vous obliger à la céder, et donc ils se mettent à creuser n'importe où, là où ils veulent. Alors, quand on dit que c'est une réussite, c'est vraiment... Aux États-Unis, il faut comprendre qu'il y a cette loi de la propriété du souterrain qui appartient à celui qui achète les concessions, qui fait qu'ils peuvent creuser n'importe où et donc polluer et dédommager les premiers gens qui polluent de façon extrêmement généreuse. Et une fois qu'on a pollué le premier ranch, la première ferme, etc., la deuxième, les troisièmes, le quatrième, la cinquième sont pollués aussi parce qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de mur hermétique dans les roches souterraines et dans les nappes. Donc, les ranchs voisins, les fermes voisines, les municipalités voisines sont obligés à ce moment-là de céder pour une bouchée de pain ou carrément de s'enfuir. Et tout ça, on ne le dit pas sur les États-Unis. Vous savez, ce qu'on dit sur les États-Unis, ce qu'on montre sur les États-Unis, c'est ce que eux veulent montrer. Puisque de toute façon, ils contrôlent l'information à l'échelle mondiale, eh bien, tout ce qui est le côté noir, on ne le montre pas. Alors évidemment, on va jouer sur ce côté blanc, disons, et oublier le côté noir. Non, écoutez, c'est pas pour rien que la France a interdit par la loi en 2011 toute forme de fracturation et que l'Allemagne vient de l'interdire. C'est quand même pas des gens qui vont renoncer à des richesses pétrolières et gazières juste comme ça pour le plaisir de le faire. Et je vous pose à vous, docteur Aktouf et Sadla, c'est qu'est-ce que ça veut dire, quel intérêt a l'Algérie à faire ce type d'exploitation de gaz et comment ils appellent ça, des gaz et des huiles de schiste. Quel intérêt on a alors à aller dans ce sens? Si je peux me permettre de... Ah, merci, c'est à moi. Moi, je pense que pour le moment, on n'a aucun intérêt. L'Algérie n'a aucun intérêt à se lancer comme ça dans les huiles et les gaz de schiste. Il y a beaucoup plus de priorités ailleurs. Déjà dans le conventionnel, l'exploration encore de tout le pays. Et puis, je vous ajoute une chose. Quand les pétroliers, de façon générale, dans leur prospection, trouvent un gisement de gaz, ils sont gênés. Parce que le gaz, s'il est loin des installations, il faut faire des calculs économiques, voir si ça vaut le coup d'installer un pipe pour aller jusqu'au prochain pipe, etc. Donc, souvent, quand on trouve un gisement de gaz, dans le conventionnel, je veux dire, souvent, il est mis sur une carte et on précise tout. On ne cherche pas à le développer. Alors qu'un gisement de pétrole, quel que soit l'endroit où il se trouve, le pétrole, on peut toujours le charger dans des camions-citernes et le transporter. Je vous cite l'exemple. Le gisement, comment il s'appelle, du côté de Sidi Issa, Gatrene, il a commencé, c'est un petit gisement, il a commencé à produire dans 1948, quand j'étais encore en Algérie, à peu près 20 ans, il produisait encore. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une pompe, comme celle qu'on voit dans les photos du Texas, et il remplit un réservoir. L'installation, elle est automatique, il n'y a personne sur place. Et ce réservoir, admettons, il se remplit toutes les semaines, il y a un camion-citerne qui vient et qui remplit et qui s'en va. Donc vous voyez la différence. Donc au Sahara, c'est cette question-là qui existe. Tant qu'il faut continuer encore la prospection. Deuxième point très important, pourquoi tous ces gaspillages? Il y a des techniques qui ont été utilisées dans les années 50, c'est brûler ce qu'on appelle les torchères, c'est-à-dire du gaz. On a dans un pays qui produit du pétrole, on a du gaz, on ne sait pas quoi en faire, on le brûle. Ça, c'est une technique des années 50. Pourquoi continuer encore maintenant au Sahara à brûler ce gaz? C'est de la pure dépense, c'est du gaspillage. Donc vous voyez, les priorités, elles existent. Ok, la même question à Monsieur Aktouf, quel intérêt elle a donc l'Algérie à aller dans ce sens, et est-ce qu'il y a d'autres intervenants ou d'autres acteurs qui ont intérêt à ce que on exploite le gaz de schiste en Algérie? Je pense aux multinationales, et je veux bien qu'on nous explique un peu pourquoi ces multinationales veulent absolument exploiter ce gaz de schiste dans notre pays et dans d'autres pays quand ils ont quand on les laisse faire. Oui. Alors moi, je dirais tout de suite que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit M. Sardallah. On n'a aucun intérêt à aller là-dedans, mais vraiment, absolument pas. Alors, si on revient aux États-Unis, quand on dit ça marche, c'est un bon exemple, etc., il faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a pas de mouvements sociaux, il n'y a pas de mouvements écologistes, comme en France. Il n'y a pas de mouvement populaire, il n'y a pas. Alors c'est l'individualisme total, et donc tout passe inaperçu. Alors c'est vrai qu'il y a des enjeux géopolitiques aussi. Si les États-Unis se sont lancés comme ça dans les surtout l'huile, hein, le gaz, je vous dis encore, c'est secondaire. C'est surtout l'huile. Ils récupèrent environ 10-15% la première année, et à partir de la deuxième année, il faut creuser un autre puits, ainsi de suite. Mais c'est aussi géopolitique. Il faut voir qu'ils font ça, un, pour tuer le Venezuela. Parce que le Venezuela, vous savez qu'il a été déclaré par les États-Unis comme étant le premier ennemi, le deuxième ennemi public de la démocratie mondiale et des Américains après avec l'Iran et la Russie. Et le Venezuela a beaucoup de notamment dans leur remède, du pétrole, de beaucoup mieux. Et donc, exploiter le gaz de schiste et le pétrole de schiste aux États-Unis et augmenter comme ça rapidement les quantités sur le marché, ben c'est mettre à genoux le Venezuela, mettre à genoux la Russie, mettre à genoux l'Iran. Et donc, il y a tout un enjeu géopolitique là-dedans aussi. Hein. Et puis, faire des États-Unis un non-importateur de pétrole. Et ça les arrange énormément parce que ça va arranger leur balance de paiement, leur balance commerciale. Absolument. Et donc, tout ça, c'est des aspects qu'il ne faut pas oublier. Alors maintenant, ils veulent pousser à faire ça chez nous. C'est pas pour rien que des secrétaires d'État voyagent en Algérie pour faire les voyageurs de commerce et vanter ce genre d'exploration et d'exploitation de pétrole et de gaz. Mais c'est parce que tout simplement, ils veulent faire de l'Algérie, je pense, comme les Français ont fait avec Reagan dans le temps, c'est-à-dire les utiliser comme des cobayes. Et ils utilisent chez nous des technologies qui ne sont pas maîtrisées, des technologies qui demandent des quantités d'eau telles que, si jamais on le fait, au bout de 2 ou 3 ans, 4 ans, je ne sais pas comment on va faire pour avoir de l'eau, pour vivre en Algérie, pour boire, pour cuisiner, pour oui, absolument, absolument. Ça va être un problème titanesque. Donc, s'ils poussent à la charrue, à mon avis, c'est essentiellement pour faire de l'Algérie un cobaye, donc un terrain d'essai pour la France, pour les États-Unis, pour l'Angleterre, et pour voir un peu comment expérimenter sur le dos des technologies, et après, une fois qu'elles seront bien mises au point, ben, les utiliser chez eux avec toutes les leçons qu'ils auront tirées sur le dos. Mais pour nous, ce sera bien trop tard. Et comme l'a dit Sardallah, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire avec le conventionnel. Ouais, on a encore énormément à tirer du conventionnel si on le fait de manière, disons, plus logique, plus prudente, moins gaspilleuse, et aller vers les énergies propres, le soleil. Ouais. On a, avec 250 km, un carré de 250 km de côté, c'est-à-dire à peu près 600 000 km², si je ne m'abuse pas trop dans les chiffres, on peut aller chercher une quantité d'électricité qui peut largement alimenter la Libye et même au-delà. Donc, mais franchement, je ne vois pas pourquoi cet argent qu'on mettrait dans les myriades de camions, de forages connexes, etc., qu'il faut, juste pour aller chercher l'eau nécessaire à faire un puits qui demande entre 15 000 et 20 000 mètres cubes d'eau, qui est une calamité, juste cet argent qu'il faut mettre là-dedans, pourquoi ne pas le mettre dans les énergies renouvelables, les énergies propres, et développer absolument. Le solaire, par exemple. Et est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Je ne sais pas la pertinence de cette question, mais c'est-à-dire les dirigeants algériens, ils ont bien des raisons quand même. C'est pas des gens, je veux dire, ils ne font pas ça. Je ne sais pas. J'ose espérer qu'ils ne font pas ça pour détruire l'Algérie, etc. Ils ont un autre calcul. Est-ce que vous le connaissez, leur calcul? Qu'est-ce qui les motive, les dirigeants algériens? Écoutez, le seul calcul que je peux voir là-dedans. C'est une espèce de calcul de, après moi, le déluge. Nous avons une espèce de clique et de clan qui tient le pouvoir depuis pratiquement l'indépendance. Et donc, tout ce qu'ils veulent, c'est et pérenniser la rente pétrolière par tous les moyens. Et parce que, autrement, franchement, avec toutes les données qu'on a, comme je vous ai dit, il suffit de quelques clics sur Internet pour aller s'informer dans des sites très sérieux, des revues très sérieuses, des sources extrêmement expertes et sérieuses, pour voir qu'on a largement intérêt à aller vers le solaire et l'éolien et autre chose que le pétrole et le gaz de schiste. Donc c'est ça le calcul que je vois. Pour moi, c'est franchement machiavélique. C'est pas... Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ne savent pas. Absolument. Je suis d'accord avec vous aussi, à moi. En fait, j'imagine, je pense que la population dans les régions qui sont concernées, ils ont fait exactement comme dit Monsieur Aktouf. Ils se sont informés et c'est pour ça qu'ils ont compris l'enjeu, notamment environnemental, c'est-à-dire sur l'eau qu'ils consomment. C'est ce qui peut-être explique leur détermination. Et je reviendrai avec Monsieur Psikri, Mehdi Psikri, qui est journaliste. Je voulais bien lui demander où on est le mouvement de protestation, mais visiblement on a un problème avec le son, Andou. Allô, vous m'entendez? Oui, Mehdi, allô. Oui, je vous entends. Mehdi, oui, ça passe. Ça fait un gros grésillement depuis tout à l'heure. Et puis, je fais patienter aussi les amis qui sont dans la conférence. Je vous laisserai poser vos questions ou faire vos remarques dès qu'on a fini de faire le tour de nos invités qui sont spécialisés dans le sujet t'as le gaz de schiste. Avec Mehdi Psikri, je voulais évoquer où on sent les militants qui ont créé un collectif citoyen contre l'exploitation du gaz de schiste, qui sont en mobilisation soutenue et continue depuis le 1er janvier 2015. Où est-ce qu'ils en sont, Mehdi? Quelles sont les dernières informations? Alors, je voudrais commencer par le commencement, c'est-à-dire que je viens de parler avec des gens de En Salah et ils refusent la proposition qui leur a été faite samedi dernier par un prof universitaire qui enseigne à la faculté de Ouagla. Sa sortie elle a surpris plus d'un, mais en tout cas il refuse ce qui est appelé l'alternative à la fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique, c'est la technique de fracturation au fluoropropane. C'est-à-dire que demain en Salah, il y aura une marche pour refuser cette proposition, refuser la proposition qui leur a été faite, c'est-à-dire refuser la technique de fracturation au fluoropropane. Donc demain ils vont marcher pour refuser cette technique. Ceci de une. C'est-à-dire qu'ils refusent cette technique pour la simple raison que les spécialistes à cette conférence peuvent détailler. C'est-à-dire que non seulement elle est très très très très très dangereuse pour l'environnement, et en plus de ça, elle est très très très coûteuse. Ça veut dire que elle est 10 fois plus nocive que la fracturation hydraulique. Donc l'étonnement est légitime, c'est-à-dire ce prof universitaire qui était militant anti-gaz de schiste. Je sais pas qu'est-ce qui, je sais pas pourquoi il a changé de position, ou peut-être qu'il n'a pas changé de position. Bref, la question reste posée. Et lui, il explique qu'il a été contacté par le gouvernement pour expliquer à la population de l'Insalar que c'est une technique écologique. Or, que même dans le conventionnel, il n'y a pas de, il n'y a pas d'extraction écologique. Ça n'existe pas dans le domaine pétrolier, c'est-à-dire que le risque zéro n'existe pas. Et donc, proposer la technique de fracturation au fluoropropane relève du non-sens, relève... c'est-à-dire que c'est pour simplifier l'image, c'est tout simplement bizarre. Maintenant, pour en ce qui concerne le collectif national moratoire pour le gaz de schiste, c'est-à-dire que la démarche elle va au-delà de la contestation de la technique de fracturation hydraulique, c'est-à-dire que ils souhaitent qu'il y ait l'instauration d'un débat national, ils souhaitent que ce débat évoque la politique énergétique du pays, la politique économique du pays, et de chercher de nouvelles alternatives pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi. C'est-à-dire, quand son attraque parle de 100 milliards de dollars d'investissement, voudrait mieux les investir dans la ressource humaine, voudrait mieux les investir dans la production agricole durable, respectueuse de l'environnement et de la santé humaine. Ça veut dire peut-être, pourquoi pas, dans l'artisanat, le tourisme responsable et respectueux de l'environnement. C'est-à-dire, passer à une autre étape de réflexion pour proposer à l'Algérie un meilleur modèle de développement économique, et pas seulement se contenter de l'extraction des énergies, qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles. Maintenant, le pouvoir a répondu à sa manière, c'est-à-dire que lorsque le moratoire sur la fracturation hydraulique gaz de schiste a été adressé à la présidence de la République et au Premier ministère, le pouvoir, il a toujours sa façon de répondre. Vous voyez, il ne répond jamais directement, mais il a toujours sa façon. C'est que le lendemain, le ministre de l'Énergie, Soufi, a dit qu'il y aura de l'exploration à Tiert et à Mascara. Donc, ceci pour leur dire que nous n'avons rien à faire de votre moratoire. Même si vos cris sont légitimes, on les écoute pas. Ceci relève, là on entre dans la politique, mais j'assume ce que je dis et ça n'engage que moi. Là, ça démontre une nouvelle fois la politique autiste du pouvoir qui n'écoute pas les aspirations du peuple algérien. Et pourtant, toutes les réflexions sont disponibles. Beaucoup de compétences et d'experts et de spécialistes algériens, à l'image de Dr Saadallah et de professeur Aktouf, qui ont proposé des alternatives, qui ont proposé des modèles économiques. Je cite ces deux-là parce qu'ils sont à la conférence, mais il y a d'autres aussi. C'est-à-dire que voilà, le pouvoir, il veut continuer dans cette politique d'extraction nocive, il veut continuer dans cette politique de rente, il veut continuer dans cette politique de sourde oreille. C'est malheureux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait soutenir le mouvement de Ain Salah, parce que c'est une question qui concerne toute l'Algérie, c'est une question qui concerne l'avenir de toute une nation. Bon, peut-être qu'il y aura des changements à l'avenir, peut-être que la situation politique changerait, mais ce qu'il faudrait faire pour l'instant, c'est de continuer à militer dans ce sens, c'est-à-dire refuser cette technique d'exploitation de gaz du schiste, et peut-être que l'avenir sera meilleur, espérons. Très bien, merci beaucoup. Merci Mehdi. En fait, je reviens à nos amis qui sont dans la conférence et qui nous ont rejoint, peut-être pour faire une petite remarque ou poser des questions. Nous avons avec nous Saïd Lbez, qui normalement, il voyage beaucoup, mais normalement, il se trouve en Angleterre. Nous avons avec nous Maître Ahmine, s'il nous entend, donc militant des droits de l'homme, il est avocat. Nous avons aussi avec nous M. Halim Fadal, qui est aussi militant des droits de l'homme, et Mme Lilia Marsali, qui est militante ici sur Paris, et qui est aussi blogueuse. Honneur aux dames, si vous permettez, on laisse Lilia peut-être poser sa question ou faire sa remarque en premier. Salam alaikum, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça marche. Oui, ouais, ça va, c'est bien comme ça? C'est net. Okay. Oui, enfin, donc j'ai entendu les experts, vous avez fait le tour de toutes les questions que je voulais poser. Je vous remercie. Notamment, j'aurais une petite remarque à faire, c'est l'histoire qu'ils ont présentée. Ces questions-là, le moratoire sur les forages, ça pose des problèmes au sein de la militance aussi ici à Paris. Parce que certains veulent le moratoire et puis d'autres ne veulent l'arrêt définitif. Alors, on a entendu Mehdi donner son avis, sa position. Moi, j'aimerais aussi que les experts nous donnent leur position et nous disent la meilleure solution à adapter. Très bien. Entre moratoire et le fait de refuser catégoriquement cette exploitation, je laisse la parole à nos invités s'ils veulent bien répondre à cette question. Allez-y, Charles. Merci. Oui. Bon, pour les forages, je pense que les forages ne posent pas de problème. Dans la mesure où ils sont bien faits, bien sûr, il ne faudrait pas qu'on se retrouve encore avec la même catastrophe de 78 à Haoud-Barkawi. Donc, il y a des procédures techniques qui doivent être faites comme il faut. Bon, le gros problème, le problème numéro un, et à mon avis le seul, c'est la fracturation. Il ne faut pas qu'il y ait de fracturation. Qu'ils fassent des forages de prospection, de reconnaissance, pour estimer cette... parce que si vous voulez, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, un forage permet de préciser ces niveaux de schiste. Donc on peut savoir leur étendue, l'épaisseur, et avec ça, on peut estimer la quantité. Les réserves. Donc le forage à proprement dit ne pose pas problème. C'est la fracturation qu'il faut absolument éviter. Même parce qu'eux, ils disent, d'après ce que j'ai compris, ils ont programmé trois forages dans le bassin d'Ahnet, à côté d'Ain Salah. Bon, il y en a un, il a été déjà fracturé. Le deuxième, je pense qu'il est en cours, et ils le font en cataminie, comme l'ont dit certains articles. Le troisième, j'en sais rien. Est-ce que le forage a déjà eu lieu ou pas, j'en sais rien. Et ils disent qu'ils font cette fracturation pour évaluer. Non, la fracturation est un danger pour la pollution de l'Albien. Même une seule fracturation est un danger. Juste une petite précision, parce que vous l'avez montré dans une vidéo que vous avez publiée sur YouTube. Vous avez parlé d'un accident qui a eu lieu et sur lequel il n'y a eu aucune communication officielle de la part de Sonatrach ni des autorités algériennes. Absolument. C'est l'accident, moi j'ai vu ça, c'était impressionnant, j'ai vu ça sur votre vidéo. Vous avez fait des schémas et puis grâce à Google Earth, vous avez zoomé sur une région et on voit un cratère qui est énorme. Et vous disiez que c'était un accident qui s'est produit, c'est ça? Bon, c'est un accident dû à un défaut technique. Ils ont mal fait ce qu'on appelle la cimentation. Quand ils font le trou, si vous voulez, le forage, à un certain moment, ils mettent, si vous voulez, un pipe, un tuyau en acier qui va empêcher la terre de s'écouler. C'est comme lorsqu'on fait un puits d'eau. À certains moments, on creuse, quand on a creusé par exemple 5 mètres, on construit un mur à l'intérieur. Donc, mais c'est la même technique, mais c'est un espèce de tube en acier qu'on descend. Et ainsi de suite. Et ce tube en acier, pour bien le sceller à la roche, on envoie du béton, du ciment, donc à l'intérieur du trou, donc à l'intérieur du tube d'acier, et le ciment en question doit remonter du fond du puits et remonter entre le pipe, le tuyau d'acier et la roche pour qu'il va être cimenté et donc empêcher les passages. À un niveau donné, il y a eu erreur, il y a eu accident et ça s'est fait en 78. Depuis, bon, je passe rapidement sur tout ce qui a été fait sur le plan technique, mais depuis, l'eau de l'Albien est montée et a dissous le sel, parce qu'il y a une couche de sel qui fait à peu près 200 mètres d'épaisseur, et donc il a créé un vide. Et petit à petit, ce vide, il a grandi, et le tout s'est effondré. Donc on a une espèce de gros trou. Ce gros trou, je crois qu'il s'est créé 2 ans ou 3 ans après le forage. Donc, disons 81, par exemple. Le forage a été fait en 78. Et quand on regarde après, le trou ne fait que augmenter. Alors, actuellement, il doit faire entre 800 à 1 km de largeur, de diamètre. Et à tel point qu'on le voit sur la photo satellite. Bon, vous voyez un peu ce type d'accident? Ce type d'accident peut endommager définitivement la réserve d'eau. On ne peut pas le réparer. C'est tellement gigantesque qu'il y a une proposition, bon, qui n'a pas été retenue du tout. Je ne sais pas si c'est des Russes qui ont proposé de faire éclater une petite bombe atomique pour vitrifier complètement le trou et donc empêcher toute... mais les radiations, c'est à peu près à 30 km. Personne n'a retenu cette idée. Mais c'est pour vous donner une idée de l'ampleur des dégâts. Très bien, très bien. Et je rappelle que c'est à Haouz Berkaoui, pas loin de Ouargla. Oui, pas loin de Ouargla, exactement. Très bien. Juste la même question à M. Aktouf à propos, en fait, des militants de la base qui, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil entre résister à l'exploitation du gaz de schiste totalement, c'est-à-dire dire bli, on refuse l'exploitation du gaz de schiste, ou bien suivre certains qui disent qu'un moratoire de 7 ans ou là, de 5 ans, ça dépend les uns et les autres, comment ils le disent. À votre avis, M. Aktouf, quelle serait la meilleure des postures à prendre? Ben, écoutez, moi je dirais, si on avait affaire à un pouvoir à qui on peut faire confiance, je dirais, bon, pourquoi pas un moratoire. Et comme le dit Alice Sardalap, profiter de ça pour faire des recherches, recherches de développement, essayer de comprendre, faire des forages, oui... des forages conventionnels, pas horizontaux avec fracturation, tout ça, parce que ça c'est déjà aller dans ce qu'on ne veut pas faire. Donc, mais comment on peut pas avoir confiance? Il y a des signes qu'il se fait des fracturations en catimini, des forages en cachette, etc., des catastrophes comme celle que vous avez citée, qu'on nous cache, qui est très peu connue et qui est extrêmement grave, parce que c'est vraiment quelque chose qui dépasse les capacités humaines de réparation. Alors, s'il faut aller vers des bombes atomiques pour réparer les dégâts d'une fuite et de contamination de l'albien et tout ça, vous imaginez ce que ça donne si on a 20, 30, 40, 50 pluies comme ça dans une région. C'est la moitié de l'Algérie qui va être passée, qui exagère un peu. Donc, moi, je dirais non. Étant donné ce que je viens de dire, là, on ne peut pas faire confiance. Donc, résistance totale. Jusqu'à ce que ces technologies aient fait leur preuve ailleurs. Et en attendant qu'on soit sûr, absolument sûr de ce qu'on fait, eh bien, qu'on aille vers la valorisation des hauts plateaux pour l'agriculture, par exemple, pour diminuer un peu notre dépendance alimentaire, et qu'on aille vers des énergies plus durables, le solaire, l'éolien, etc. Mais je suis catégorique, résistance absolue. Très bien, merci beaucoup. En fait, nous on considérait un peu important de dire un peu d'aider, d'essayer d'aider ceux qui sont sur le terrain pour prendre des décisions et écouter un peu les experts qui sont dignes de confiance, parce que des fois c'est pas toujours le cas. Je passe par exemple, si les autres ils me permettent, à Maître Ahmin, s'il m'entend. Maître Ahmin. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là et d'avoir été patient. Dans tous les cas, je vous laisse poser votre question ou faire votre remarque. Mais juste une chose, parce que je sais que Ntaya Rakfilterin est en contact régulier avec les militants. Et on a eu aussi des camarades du CCD qui se sont déplacés, qui ont été rendre visite aux gens, Fissat Somoud, Aïn Salah, etc. Quel est l'état d'esprit, selon les informations que vous avez, vous, quel est l'état d'esprit des gens? Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de lassitude? Parce que quand une population qui résiste 4 mois, c'est beaucoup, en fait. Eh bien, voilà, moi, j'ai autre chose à dire. En plus, la quatrième, c'est de répondre à cette question. je tiens à remercier les intervenants pour la qualité de l'intervention. C'est les trois, professeur Akhtouf, Sakhtra et notre ami, bien sûr. Voilà. Ah oui, on le remercie beaucoup pour son engagement. Et la deuxième des choses à dire, c'est que aujourd'hui j'ai rendu visite aux détenus de l'Ouate. Ah, d'accord. Vous savez. J'entends plus. Ouais. On a perdu Maître Ahmine. On a perdu Maître Ahmine, dommage. C'était important quand même parce qu'il y a des affaires en cours devant la justice. Ouais, ils ont emprisonné les militants. Ah, ça vient d'être coupé. Ça revient peut-être là. Enfin. Et non, je pense qu'on l'a perdu. On l'a perdu, ouais. On l'a perdu. Il essaye de t'appeler. D'accord. Ok, moi j'ai l'œil sur ce qui se passe sur Skype. Sinon, c'est pas grave, on reviendra à Maître Ahmine un petit peu plus tard. Je passe par exemple, Smhouli Khawti, à Saïd Lbez. L'Akh Saïd Lbez, est-ce que Rakt Smafia? Smafia, Khoya Saïd Lbez, Smafia? Smak, Akhi Samir, Ahlan Bik. Marhaba Bik, merci beaucoup d'être là, Khoya. جزيلا اولا كل شيء تحياتي للضيوف الكرام الدكتور عبد القادر سعد الله والدكتور عمر أكتوف وطبعا الصحفي مهدي بسكري وكل المستمعين المشاركين معنا في الحصه شكرا عندك صح ولا عندك اون رمارك ولا اون كيسيون ا نوز انفيتي خويا سعيد اولا وقبل كل شيء فيه تعليق برك تعقيب على ما قاله الاخوه المختصين سبيرت مونديراج هناك تشكيلتين في هذه القضية استغلال الغاز الصخري طبعا في الجزائر هناك مشكلة التقنيات كما ذكرها الدكتور عبد القادر سعد الله والخطر في استغلال هذا الغاز في الجزائر طبعا على المدى القريب وعلى المدى البعيد هناك قضية طبعا هي القضية الاقتصادية وقد ذكرها الدكتور عمر أكتوف طبعا الجزائر هي بلد أكبر بلد في إفريقيا من ناحية المساحة ومن أغنى البلدان في العالم من ناحية الثروات الطبيعية كذلك الجزائر لها مؤهلات في استعمال واستغلال طاقات أخرى وطبعا استغلال هذه الطاقات هي عبارة عن طبعا مشاريع لها فوائد على الشعب الجزائري وعلى الوطن بأكمله من بين هذه الطاقات هي طبعا I'm talking about renewable energy this is one of my specialty, which I'm obviously a project manager for more than 20 years. And I believe that we create an ecological environment, which Algeria is part of this organization, International المنظمة العالمية للبيئة. Using renewable energy such as solar energy, wind energy, geothermal energy, bioenergy, hydropower, all those energies, Algeria are capable of using them for good, obviously, economy, for a better environment, and for benefit of our people and our country. On a long, medium, and short term. I never had a chance to work here. I've worked everywhere on a long project. I believe the last one which I did, it was in Algeria 2 years ago, is a survey about the motorway east to west, which is the middle section. And I find from the that in Algeria, I realized they don't have the expertise to run those kind of projects. يعني لابد عليهم تربصات لإعادة النظر سواء من طبعا الحكومة إلى الشركات سواء العمومية أو سواء الخاصة. فالجزائر لابد عليها أن تنظر إلى هذه الأمور بجدية، وبالأخص الآن أصبحت هذه المشاريع يعني تنفذ في جميع أرجاء العالم بطرق وبأنماط عالمية. أتمنى أن يكون الدكتور عبد القادر سعد الله والدكتور عمر أكتوف يوافقونني على في هذه النظرية. خويا سعيد جون بروفيت بور بوزي اون كيسيون، اسمح لي قاطعك يعني اسمح لي. تفضل. جوسك انت tu as eu des informations sur les projets qui se sont faits qui se font في البلاد، tu as participé à des projets assez importants. Est-ce que tu as eu de l'information sur des projets qui marquent trop justement sur les énergies renouvelables et tout؟ Est-ce que شفت في الجزائر on va dire la volonté هذه هل فيها يعني au moins فيها la volonté باش يديروا des tests des expériences ou là des projets d'éoliennes ou là par exemple l'énergie solaire ou là est-ce que عندك هكا des informations؟ J'ai quelques informations mais ils sont pas des informations ces projets-là devront commencer par des recherches. مع الأسف ليس هناك بحث علمي متطور في الجزائر وبالأخص في هذه الطاقات المتجددة. There isn't enough labs or experts in Algeria capable of doing this research. That's one thing. The other thing as well. Si vous voulez second أو نقطة ثانية هي طبعا كيفية تسيير هذه المشاريع. The way of producing those things is start by step by step. You got a survey, you got form A, form B, then you got say for instance PDR, which is preliminary design report, etc., etc. We go through that. I found there is no expertise, there is no technique, which is obviously our country or the individual over there are applying to such survey. They will have to rely on international companies. Those international companies will come and utilize the resources over there. But in the meantime, they had to create projects in Algeria for the Algerian people, and also the Algerian government had to give interest to those project by doing exchange in investing in people will return with the benefit on the long term for the Algerian economy and for the Algeria as whole. واضح. Merci beaucoup خويا سعيد. Je reviens à Maître Rahmine avant qu'on le perde parce qu'il nous appelle de l'Aouat et il allait nous donner quand même une information sur les prisonniers. Moi j'appelle ça des prisonniers politiques d'opinion qui ont été condamnés à 6 mois de prison fi l'Aouat, et puis ceux de l'Oued c'est la même chose, 6 mois de prison pareil, 6 mois de prison ferme. Maître Rahmine, le son il est revenu? Je crois que oui. C'est bon. Ouais. Allez, Khoya, Maître Rahmine, vous pouvez continuer, c'est bon. D'accord, ok. Alors, je disais, je viens de rendre justement cet après-midi, j'ai rendu visite à ces prisonniers, comme c'est bien dit, c'est des prisonniers politiques, parce que la seule raison de leur détention, c'est leur militantisme, déjà dans le cadre de la coordination des chômeurs. Des chômeurs. Et ces derniers temps, c'est justement quelqu'un comme Khansha et Rachid Daouin, ils sont vraiment engagés totalement pour cette question de l'exploitation du gaz de schiste. Donc c'est ça, pour nous on est convaincu, personnellement je suis convaincu à 100% que c'est la vraie raison de leur détention. Donc je l'ai vu cet après-midi, j'ai parlé avec eux de cette émission, et je pense qu'on doit la dédier à eux d'abord. Très bien. On doit dédier l'émission à ces détenus, à ces courageux détenus. Comme Khansha, qui a commencé à faire un travail extraordinaire, mais certainement ils ont compris sa capacité de mobilisation. C'est pour ça qu'ils essayent de le casser. extraordinaire. Hein, c'est bon, ils savent très très bien. C'est bon là. C'est le prix à payer pour un engagement pareil. Pour ce qui est de la question TAC, PSMR, c'est concernant le mouvement anti-gaz de schiste, je pense que c'est pas notre ami Nabil Sikri qui va me contredire. Je crois que les habitants de Ain Salah, ils ont décidé de continuer le temps qu'il faut. C'est une question de vie ou de mort, en fin de compte. On n'a pas le choix. Allez. Oui, c'est bon, ça passe. Il y a beaucoup de bruit, le son est mauvais, mais ça passe. Voilà. Donc, je pense qu'il y a cette volonté de continuer, de continuer ce combat, et quel que soit le prix à payer, et les gens sont tellement convaincus et conscients, c'est tout simplement. Je regarde en fait le niveau du son, et c'est vrai qu'on est en train de perdre Maître Ahmin. Oui, effectivement, on entendait très mal. Très mal, très mal. Maître, désolé. En fait, je voulais rajouter une petite question, mais je la poserai tout à l'heure pour finir à Mehdi, peut-être. C'est justement l'état d'esprit dans lequel ils sont les gens et la solidarité des autres, des Algériens qui... Comment ça se passe? Comment on perçoit la chose? Parce qu'on peut pas la quantifier. Il est interdit de manifester chez nous. Il est interdit de manifester chez nous, du coup on ne peut pas évaluer le taux de soutien, etc. Mais on l'a quand même autour de nous, je veux dire, on peut écouter nos voisins, nos amis, je veux dire, les gens avec qui on travaille. Je voulais poser cette question, mais je fais quand même un tour de table, si vous me le permettez, comme ça on laisse quand même tout le monde s'exprimer. Je passe à Dr Maïz qui nous a rejoint et à qui je souhaite la bienvenue. Merci, bonsoir. Je crois qu'il faut couper le son et la radio en même temps. Je crois que c'est ça qui... Il ne faut pas nous écouter à la radio, c'est vrai, Khautna. Et il faut couper les micros. Ceux qui ne parlent pas, ils doivent couper le micro. Comme ça, on évite toutes les interférences. Voilà. Bonsoir tout le monde. Mehdi, coupe pas son micro. Bien. C'est bon? Allez-y, docteur. Bonsoir tout le monde. Je remercie tous les intervenants, surtout nos invités qui nous ont donné, qui nous ont brossé un tableau très clair de ce que pourrait être l'exploitation du gaz de schiste et tous les dangers que cela peut procurer. Mais je reviendrai peut-être un petit peu sur ce qu'a dit M. Aktouf par rapport à cette rente que le système ou le pouvoir veut continuer à s'en prévaloir. Moi, je pense que ce n'est pas une rente financière qui intéresse ce système. C'est beaucoup plus une rente politique. Il faut être clair. Ce pouvoir a pris des engagements à très haut niveau avec des nations pour bénéficier d'une rente économique, mais d'une rente politique. L'engagement a été le suivant. Vous me soutenez dans ma position au niveau politique et en contrepartie il donne à ces sociétés, à ces multinationales la possibilité et à ces nations à travers justement ces sociétés de faire de l'Algérie un cobaye comme l'a dit M. Aktouf, parce qu'il est clair que sur le plan économique, tout le monde le dit, il n'y a pas une très grande rentabilité dans l'exploitation de ce gaz de schiste. Par contre, le pouvoir qui est pratiquement finissant a besoin de ses soutiens extérieurs pour rester encore au pouvoir. Donc, je pense que le problème n'est pas du tout économique vis-à-vis d'un... En plus, bien sûr, et je pense que ce pouvoir et ce système... Il a toutes les données, il ne faut pas croire qu'il n'a pas les données, il a toutes les données, toutes les expériences qui sont faites de par le monde, que l'exploitation du gaz de schiste, aujourd'hui telle qu'elle était faite, est un danger pour la nappe albienne, est un danger pour la santé, est un danger pour l'air. Donc il a toutes ces données. Mais le fait de persister et surtout de se mettre en travers... Allô ? Ça passe, ça passe. Oui, ça oui, passe. Oui, on entend. Le fait de s'entêter comme ça, contre son peuple, contre la volonté de son peuple, à vouloir aller dans le sens de l'exploitation du gaz de schiste, n'a qu'une seule explication. Il a eu des engagements sur lesquels il ne peut pas revenir. Et je dirais même plus. Et moi, je peux vous le dire, d'après les quelques informations que nous avons, les sociétés qui sont en train aujourd'hui de faire de l'exploration, ils ont déjà été payés cash. Ces sociétés ont déjà été payées pour l'exploration du gaz de schiste en Algérie. Donc, vous voyez jusqu'où la compromission avec ces États qui veulent faire de l'Algérie un cobaye pour l'exploitation du gaz de schiste. Voilà, je voulais juste... Docteur Maïs, ouais. Oui. Juste une petite question, puisque comme ça on vous a en ligne. Juste une question, ça, est-ce que vous pensez, vous qui êtes à Alger et vous avez des échos à gauche, à droite, est-ce que ils ont l'intention d'aller de l'avant en fait? Est-ce qu'ils ne finiront pas par céder, on va dire, parce qu'il y a une volonté populaire qui refuse vraiment l'exploitation, etc. Mais Houma, selon les informations et puis les échos, les indiques fulbled, est-ce que le gouvernement il a l'intention d'aller de l'avant ou là il va finir par écouter la population? Le gouvernement, je vous l'ai dit, a pris à très haut niveau des engagements avec des États et des sociétés et des multinationales pour faire de l'Algérie un champ d'expérimentation. Seule la volonté populaire, seul un engagement de toute la population algérienne qui peut renverser ce rapport de force et amener ce pouvoir à revenir en arrière. Pour le moment, il a la volonté ferme d'aller de l'avant parce qu'il a pris des engagements à très haut niveau, des engagements sur le plan politique et non pas sur le plan économique ou financier. Donc, il faut parler de rente politique non plus et non pas de rente économique par rapport à ce pouvoir parce que les soutiens dont avait besoin ce pouvoir, il les a négociés avec ce gaz de schiste. Donc seule la volonté populaire qui doit aller en grandissant, mais justement tout le problème est là, c'est que devons nous faire? Nous le savons tous les Algériens, y compris le pouvoir, sait que c'est une catastrophe, le gaz de schiste en Algérie ou ailleurs, c'est une catastrophe. Mais comment aujourd'hui nous allons renverser la situation pour amener le pouvoir à revenir sur les engagements qu'il a pris, et c'est toute la problématique et c'est toute la question qui doit être posée. Comment pouvons-nous nous organiser pour essayer de barrer la route à ce système qui pratiquement comme vous l'avez dit ne peut qu'aller de l'avant parce qu'il est coincé, il a pris des engagements depuis pas mal de temps. Voilà, donc je pense que ce qui est en train de se passer à Ain Salah doit se passer à travers tout le territoire national. Il ne faut pas laisser Ain Salah seul dans cette lutte. Il faut que les choses avancent au niveau du Nord, un peu partout à travers le territoire national, et faire en sorte que cette question du gaz de schiste devienne le problème numéro un de l'Algérie. Parce qu'il y va, il va de l'intérêt de toute la nation et de toutes les générations à venir. Je crois que c'est une question éminemment importante, plus que la démocratie, plus que la liberté, plus que les droits de l'homme. Le gaz de schiste doit nous réunir et doit faire en sorte que le peuple algérien s'unisse à travers cette question-là pour amener le pouvoir à céder et peut-être même à plus. Voilà, je vous remercie. Très bien, c'est très clair. Si vous permettez. Allô? Très bien, monsieur Aktouf, allez-y. Ce que vient de dire Sid qui vient de parler, je suis entièrement, totalement d'accord. Quand je parlais de rente, c'est évidemment une rente pour conserver le pouvoir et rester, je disais que c'était un pouvoir machiavélique, c'était dans ce sens-là. Mais il faut savoir aussi qu'à court terme, ça peut être rentable, comme ils l'ont fait au Venezuela, comme ils l'ont fait un petit peu, mais rapidement en Pologne, comme ils l'ont fait aux États-Unis, un peu en Angleterre. À court terme, 2, 3, 4, 5 ans, ça peut être rentable, même économiquement. Mais après, la catastrophe est exponentielle. Donc je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est un enjeu national, c'est un enjeu vital, c'est un enjeu de vie ou de mort, c'est un enjeu du peuple algérien, des générations à venir. Il faut vraiment, vraiment pas baisser les bras.

la technique classique qui est utilisée, qui continue à être utilisée, c'est on va chercher l'eau dans les plaines, donc dans la plaine de Sebaou, Tizouzou, et puis par pompage et château d'eau successifs, on le fait monter jusqu'à des hauteurs qui font presque 1000 mètres d'altitude. Vous voyez ? Mais ce projet, il n'a intéressé personne. Je parle des gens qui sont dans les institutions de l'État, mais il faut qu'ils aient la tête. Pourquoi ? Parce que, ils ont eu l'habitude de faire comme ça, une espèce de bureaucratie, etc. Et comme vous disiez tout à l'heure, ils ont d'autres priorités, Houma. Exactement. Alors, ça passe à côté. Hadik, ça l'intéresse. Et t'as de l'eau pour améliorer le niveau là, ou là, tu sais, comme les, ou là, tu sais, les sacrifices, d'achra, ou là. Et voilà, Khalina, d'arrêt, Khalina. Enfin, c'était. Mais comme quoi le problème, il est fondamentalement politique à la base. Ah oui, absolument. Mais c'est à travers les luttes qui m'a adoué les luttes. Les gens d'Ain Salah, à terme Saha, ce sont les seuls qui tiennent. Il y a un peu d'aide. Un peu partout, mais ce sont eux jusqu'à maintenant, ça fait 4 ans la faillite, Amchadin, moi je leur tire chapeau. Vraiment à terme Saha. Très bien. J'espère que le message il est arrivé, mais j'ai vu les Afo que tu as rejoint le mouvement Tahoum, tu les as soutenus, conseillés, etc. Donc, et puis le message il est passé. Je pense que Khaouti, on est à 1h30 d'émission. Je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. J'allais faire un tour de table, mais je pense que ça sera long de faire un autre tour. Je vous remercie infiniment d'être là, tous, et particulièrement à M. Saadla qui a accepté de participer. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. J'espère vous retrouver une prochaine fois dans tous les cas pour d'autres sujets, y compris sur le gaz de schiste, puisque la population ne lâche pas et nous on continue à les soutenir. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je remercie Khaoutna, tous les autres qui étaient là ce soir pour la participation. Je m'excuse auprès de Maître Ahmine parce que le son est complètement, il passe pas du tout. Les auditeurs ils comprendraient rien du tout. J'espère vous avoir une prochaine fois, Khaouti. Je remercie aussi les auditeurs qui nous ont suivis ce soir sur le sujet du gaz de schiste. Et on se retrouve, Inch'Allah, mercredi prochain, 21h, même heure, même endroit. Et voilà, salam alaikum, à très bientôt. Voilà, avec Saha. Have a peaceful evening. Thank you very much for all. Thanks. Voilà, Khaouti. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous mercredi prochain à la Sa'atès et à Bitoqet al-Jazair. Et Allah yahfadkoum wa Allah yahfad al-Jazair. Tastami'oun ila iza'at al-Taghyir.